entends le cri de la louve, tu frissonnes, tu te planques. Tu peux voir leurs yeux à travers la nuit de glace. Entre dans la capitale à son tour.